Voilà donc, il est tout pile, il vient à 14h. Sur 96.2. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Voilà donc, les topis, il est bien 14h. Voici donc qui vient l'émission Souvenir entre 14h jusqu'à 17h. Donc, 3 heures de chansons Souvenir. Bienvenue à tous et à toutes. Si vous prenez l'écoute, et bien, nous sommes ensemble avec tous les vendredis pendant l'émission. Voilà donc, avec les chansons Souvenir, avec les chansons françaises, avec l'accordéon, le country, et puis d'autres chansons comme le Tyrol, et puis d'autres musiques et chansons différentes. Voilà donc, avant de débuter bien sûr l'émission, voici donc tout simplement et bien Garou, et puis suivi d'une autre chanson de Lily Harmony, donc on lui dit bonjour. Voici donc les deux titres différents, et puis suivi de Jim Henson. Plus rien qui nous retienne, y'a plus de souvenirs ni d'avenir qui nous enchaîne. Pas la peine, y'a plus que le désir qui se déchaîne quand passe la passion. Y'a plus de temps passé, y'a que le temps présent. L'océan a traversé, l'ouragan a passé. On ne part pas sans laisser quelques cœurs cassés quand passe la passion. Quand passe la passion, c'est là où il l'amour qui nous freine, comme un enfant qui crie, maman, papa, me parle pas. On va jusqu'à perdre le cœur, perdre la raison, qu'on passe la passion. Yep. c'est Lily Harmony sur Radio Arc-en-Ciel. Tu pars et tu rentres, tard quand ça te chante, sans une explication. Sans une explication. Tu vis en voyage et dans tes bagages, la drôle de façon. Tu me téléphones de Pékin, de Rome. Tu vois les titre s'appelle Mandy, interprété par Claude François. Dans une petite ville de France, la maison de ton enfance change maintenant, rien n'est plus comme avant. Et toi tu sais bien, depuis ce matin, en maquillant tes yeux clairs, tu as laissé derrière toi un anniversaire. Et puis tu t'en vas, loin de ces poupées qui t'ont bien oublié. Au lundi, toutes les filles de ton âge font des rêves. Ton âge font des rêves. Un garçon se promène à l'heure du voyage. Tu pars avec lui n'importe où et sans un bagage. Andy, les filles de ton âge font des rêves. Tu vas danser quelque part, mais tu fais semblant de ne pas regarder le prince charmant qui t'invite à aimer. Au Mandy, toutes les filles de ton âge font des rêves. Pour dire je t'aime, au Mandy, toutes les filles de ton âge. Un garçon se promène à l'heure du voyage. Tu pars avec lui n'importe où et sans un bagage. Andy, toutes les filles de ton âge font des rêves. Au pire, je t'aime, Andy, toutes les filles de ton âge font des rêves. Si simple la première, celle des amours buissonnières. Elle ne parlait que de toi. Et voilà, j'arrive à la centième. Elle te dit encore je t'aime. Ma dernière chanson pour toi. La première, je l'ai trouvée sans le vouloir. Je n'ai eu qu'à écouter ma guitare. J'avais presque perdu la raison dans mon imagination. Tu étais plus belle que toi. Naïve la première, je l'ai faite pour te plaire. Elle ne parlait que de toi. Et voilà, j'arrive à la millième. Elle va te faire de la peine.

un chalet là-haut, un petit gars qui aime la campagne, qui est amoureux de son troupeau, un peu de paille et un seau d'eau chaude pour nettoyer ses belles cloches. Quand arrive le jour de la Saint-Claude, il sait que la transhumance s'approche. Sens du merveilleux.

des églises. J'écrirai ton prénom. Voici donc Hervé Villard. Avec du rouge et bleu comme au temps des cerises. Je t'aimerai plus fort qu'une révolution. Je prendrai avec toi les bateaux de septembre. Quand la mer déchirée les ramène au pays. Même avec un baillon, toi, tu pourras m'entendre. Les mots ressembleront à une mélodie. Devant les rochers gris, je t'aime. Devant les rochers gris, je t'aime. Et de l'aurore jusqu'à la nuit, je pense à toi au cœur de reine. Je pense à toi et puis j'oublie. J'oublie, j'oublie. Et j'en oublie déjà les côtes de Bretagne. La couleur du blason. Quand je parle de toi,

ton. C'est l'Eldorado couvert de larmes, les yeux d'une femme.

C'est dans le quartier des Batignolles que j'ai rencontré le grand Julot, un costaud, un dur, un mariole, que j'ai eu tout de suite dans la peau. Quand il entra dans le petit bal musette, où ce que je guinchais avec les bons copains, l'homme du jazz band avala ses baguettes, et toutes les mômes en eurent le béguin. Il avait des biceps comme ça, un déhanchement et une allure impressionnante. Il avait un thorax comme ça. Bref, on peut dire que c'était un type un peu là. Il avait des épaules comme ça. Et toutes les filles étaient prêtes à lui faire des rentes. C'était un drôle de gars, une espèce de pacha, un dur, un malabar, comme ça. Il me dit en touchant sa casquette, sais-tu que madame voudrait danser? Et j'ai lu dans ses belles mirettes qu'il en passait pour mon galbé. Tout en dansant, il me jaspine à la môme, tous deux ce soir on sera marida. Je lui répondis, je suis à toi mon homme, tout en pensant, je crois qu'il aura de la joie. Il avait des biceps comme ça, un déhanchement et une allure impressionnante. Il avait un thorax, mais alors comme ça. Bref, on peut dire que c'était un type un peu là. Il avait des épaules comme ça. Et toutes les filles étaient prêtes à lui faire des rentes. C'était un drôle de gars, une espèce de pacha, un dur, un malabar, comme ça. Le lendemain, il participait à un concours de gymnastique. Dans le vestiaire, je le suivais et je l'ai vu se déshabiller. Hélas, toutes ses fringues étaient rembourrées, ses chaussures avaient des talons de trois doigts. Et sa moyenne étant très limitée, il ne battit que le record du rap-la-pla. Il avait des biceps. Sa taille ne dépassait guère plus d'un mètre cinquante. Il avait des épaules et trois petits poils qui lui frisaient sur l'estomac. Il avait un thorax comme ça. En bref, une vraie petite cage à poule ambulante. C'était un drôle de gars, genre plutôt flagada. Un mou, un dégonflé comme ça. Voici donc deux titres portugais. Nas tuas mãos está a minha vida. Tens poder para decidir se eu vou morrer ou não. Peço perdão por palavras malditas. O ciúme falou mais alto e deixou-me na solidão. Espero por pensar que te perdi, mas espero que te lembres sempre de mim. Quando quiseres, minha porta estará aberta para tu entrares. Podes vir sem hora certa do meu lado deitar, porque ninguém irá ficar com o teu lugar. Quando quiseres, apenas entre saberás que o meu amor é teu. E se me vires a chorar, é porque aconteceu. O que eu pedi, adeus. Nas tuas mãos eu ganho vida, e todos os minutos eu te amo sem parar. Espero por pensar.

musique, voici du Paso Doble et juste après Marie-Josée. Et on continue avec le morceau Portugal. Ela é uma doçura, é um amor de mulher. Ela tem tudo o que o homem quer. Diz que nasceu para me amar e que comigo para sempre vai ficar. Ela tem um encanto pela forma de ser. Diz que me ama, basta eu querer. Mas eu não sei nem o que pensar, pois ela só diz que me vai amar. Ela quer me amar a toda.

soldado de levita, besos de caballería, besos de caballería, soy soldado de levita. Y me incorporé a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que arruinó la vida mía. Thank you. bagages, des chagrins, des blessures, des étoiles bien sûr, des bonheurs difficiles, comme le cœur en exil, j'ai dans tous mes bagages d'invisibles voyages. Mes vivres, que rien ne me délivre de vivre. Vivre et désarmer, et pour toujours chanter, et pour toujours garder le plaisir. Une amie, on a connu ensemble les mêmes ennemis, des images qui tremblent. Quand la terre est stérile et l'air comme du marbre, le regard immobile d'un homme sous un arbre. Ma vie est une amie, nous partirons ensemble en laissant sur le sable une rose. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici un qui s'appelle Mike Brandt. Rien que le larme. Rien que j'ai de ça. amateurs à voir sourire. La terre est là, le dans tes yeux. C'est toujours ta seule réponse. La terre est là, le dans tes yeux. Je c'est donc Henri Salvador, si joli. Si joli, que j'en ai rêvé. Trop joli. Le ciel est amoureux, amoureux de ses yeux. Le jour se lève sur ses cheveux. Endormi, elle souriait au soleil de mer, et le monde entier s'est illuminé quand je l'ai trouvée si jolie que j'en ai rêvé. Soleil de mer et le monde entier s'est illuminé quand je l'ai trouvé si joli que j'en ai. Avec le titre Lumière du jour. On se regarde tous avec indifférence. Chien de faïence. Si on se rapproche, si par hasard on danse, c'est comme une défaillance. Moi, tu vois, j'ai tu es ma lumière du jour. Tu es mon ultime recours. Et je je t'appelle au secours, perdu dans la d'y voir. Tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime amour. Si je t'appelle, tu accours, tu es mon sentir ta peau contre ma peau et ne plus penser qu'à t'embrasser. Dans les rues, tout est triste et gris. Dans mon lit, toi, tu me souris. Je dis non à la foule au gris. Je ne veux mon amour ne rien faire que l'amour. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos et sur ton oreiller. Blottis contre toi, si tout si chaud, mon amour, je veux. Je ne veux pas croire que dans d'autres mémoires il ne resterait rien, rien de notre bel âge, ni des mille visages de notre amour sans fin. Si j'allais disparaître, qui sait, demain peut-être, à moitié du chemin, sans faire ta chanson. Mon amour, ma faiblesse, trop de rimes se pressent dans la jungle d'idées qui courent dans ma tête. Il faut être poète pour les apprivoiser. De tous ces mots à naître qui resteront peut-être dans ma gorge serrée, et faites ta chanson. De rudes batailles avons-nous, vaille que vaille, du livret chaque jour, chacun tenant son rôle, épaule contre épaule, et gagnant malgré tout. De ce temps de patience pour que la vie commence à se mettre à genoux, et faites ta chanson. Ils sont toujours les mêmes, les mots de ce poème n'appartiennent qu'à nous. Que ma voix se déchire, les gens peuvent bien rire et me traiter de fou. Ce soir, hors de moi-même, je veux crier je t'aime comme peuvent hurler les loups. Pour faire ta chanson. Ta chanson, ta chanson. Comme accroché au ciel, je vois sur la maison. Voici donc les compagnons de la chanson, et puis juste après l'accordéon. D'un homme et son violon qui la nuit et le jour sans un instant d'arrêt fait chanter plein d'amour les cordes sous la chair. Que signifie ce violon sur le toit qui fait parler les nuits et claquer les matins? Pourquoi choisir un si curieux endroit pour jouer son petit refrain? Parfois l'orage vient pour lui briser les os, mais la paix qui revient le retrouve là-haut, jouant à chaque fois un peu plus tendrement, le cœur au bout des doigts, la joue sur l'instrument. Que signifie ce violon sur le toit qui fait parler les nuits et claquer les matins? Pourquoi choisir un si curieux endroit pour jouer son petit refrain? vie parfois, ça signifie beaucoup. Thank you.

simplement Pierre Perret, à l'ami fidèle. Un vieux cheval sur le retour, qui avait blanchi sous le harnais, m'a dit petit que de beaux jours tu traverseras dans la vie si tu as un véritable ami. Vois-tu, j'ai eu de vrais amis, une femme et des enfants chéris. Mais aujourd'hui ils sont partis, ainsi en a voulu le sort, et ma vieillesse vient d'éclore. Mon ami, c'est la solitude, avec elle je me sens moins seul. Au grand jamais on ne s'engueule, c'est le silence et c'est lui seul qu'est notre divine habitude. Il faut laisser danser le vent entre toi et l'ami fidèle. Si tu veux le garder longtemps, sache taire ton mal aux dents, ne t'appuie pas trop sur son aile. Et s'il s'attache comme lierre, n'offense pas l'ami sincère qui t'a rendu le cœur content à le trouver en médisant et quelques secondes à le perdre. Mon ami, c'est la solitude avec elle je me sens moins seul. Au grand jamais on ne s'engueule, c'est le silence et c'est lui seul qui est notre divine habitude. Et tu dois trouver le plus beau, le regard de l'ami qui louche, le gentil crapaud effarouche, et vouloir ami sans défaut, c'est vouloir prune sans noyau. Les tonneaux vides et les gens sauts sont ceux qui font le plus de bruit. Celui qui ne les a pas fuis au bénéfice de l'ami a jeté sa vie au pourceau. C'est aujourd'hui ma solitude que je vais flanquer aux orties. Car toi qui m'écoutes petit et qui es devenu mon ami, tu en as toute ma gratitude. Lorsqu'apparaît le cheveu gris, l'espoir s'envole à tirer d'elle. J'attendais plus cette étincelle au crépuscule de ma vie qui porte le doux nom d'ami. Voici donc Renaud avec l'animal. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix. J'en connais un parmi eux, il est fantastique. Autrefois, on l'appelait Renaud le renard. Mais depuis qu'il boit du lait, il est bien plus bizarre. J'aimerais bien lui parler de ma tortue Pénélope, qui fait rien qu'à hiberner et qui est un peu myope. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Ma passion depuis toujours, c'est les cachalots, les baleines et leurs amours, les petits baleineaux. J'adore aussi les dauphins et puis les narvals ou les narvaux, même si ça craint, ça m'est bien égal. J'aime beaucoup les impasses, les éperviers, les aigles, les colombes et les limaces. Bonjour la rue espiègle. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. du chacal, c'est l'homme et sa fiancée qui torture et qui massacre de bien jolis taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour que les charognards s'en viennent tourner autour de leur reste blafard, qui finissent un peu comme les ours, les éléphants, qu'on dessine ou qu'on dégomme pour le goût du sang. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. À partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission Découverte avec Manuel, juste après avec le Portugal avec Victor, et puis suivi de 20h30 jusqu'à minuit avec l'émission Albino avec Marika. Et bien donc demain, nous serons bien le samedi à partir de 9h jusqu'à midi avec Christine, émission au Portugal Nos Corésiens, suivie de 14h jusqu'à 17h, entre midi à 14h, avant quand même, avec Carla, et puis donc entre 14h jusqu'à 16h avec Victor, Portugal Mix, suivi de 16h à 18h avec Michel, et puis entre 18h et 20h, Porte Ouverte au Sport avec José, Bruno, Amir Giraud, et puis juste après, entre 20h jusqu'à 22h, ils sont deux pour l'émission Orient Show avec Karim et Yondim. Matin entre 8h jusqu'à 10h. Ils sont deux avec Antonio et Mathieu avec Quentin Dougalo. Et puis entre midi, pardon, jusqu'à midi 30, entre 10h et midi 30, le téléphone sonne avec Katia, Jérôme, Lionel et Alex. Et donc c'est à vous de faire l'émission, de choisir votre chanson préférée. Et puis juste après, l'accordéon de nos régions avec Michel entre 12h30, 15h. Thank you. Ma rêverie. musique, plutôt cette chanson de Johnny Hallyday. Et puis n'oubliez pas que tout simplement, eh bien, Johnny Hallyday, la cathédrale d'Orléans, place Sainte-Croix, le 7 décembre, de 11h à 13h, avec l'accueil du public. Donc, soyez tous présents avec tout simplement. Présence avec des motos Harley, Davidson et puis d'autres types avec une messe tout simplement à 11h avec le Pierre-Christophe Matillon. Et puis donc Michel Tonizo sera accompagné à l'orgue et à l'office tout simplement avec Patrick Husson. Tout voilà, donc eh bien soyez tous présents tout simplement le 7 décembre. Tout simplement à la cathédrale d'Orléans. Toi qui me remplis fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je suis pour toi. Vivre pour le meilleur. así, esta manera, no tiene la culpa. Caballo levanta vana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Sans toi, on froid.

t'aimer. Toi, il faudrait toujours jouer le coco. flamenco. Tu voudrais que j'ai un ami d'or, le regard de Matador, de Rudolf Valentino. Avec toi, il faudrait toujours dire. Avec toi, il faudrait toujours dire. Oh, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Tu voudrais que je sois andalou, que je tombe à tes genoux avec une corde au cou. Tu voudrais que je sois riche et beau, rassé comme un hidalgo qui n'a pas peur des taureaux. Avec toi, il faudrait toujours vivre. La passionnata, la passionnata, la passionnata. Avec toi, il faudrait toujours jouer. La comédie, la comédie, la comédie. Mais je suis né porte des lilas et j'ai la passionnata sur les fortifications. Je n'ai pas de châteaux en Espagne, mes pays sont de cocagne, je travaille chez Palo. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. L'association portugaise de Gien organise une soirée dançante. O baile do ano. C'est quand? Le 30 novembre 2019. C'est où? À la salle Cuiri à Gien. Et avec qui? Avec le groupe Capa Negra e o Cri Ribeiro, a sala.